On continue avec un passo doble suivi d'un cha-cha-cha, et puis c'est la Java. Dimanche Musette, c'est sur Sorgia FM, bien sûr. Thank you. Le petit galop. Oh, le petit galop, suivi d'un moment de volupté. Thank you. on repart avec Valse à gogo. Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Thank you. Rumba Fox, Vals, Pazzo, tout y est. Thank you. Oh, valse, on vous aime. Restons à l'écoute de votre radio locale, la seule à vous accompagner avec vos souvenirs. Sorgia FM.

mystère, tant de compassion et tant de revolvers, tant d'angélus. Et si en plus il n'y a personne, Raman, Martin, David, et si le ciel était vide, si toutes ces balles traçantes, toutes ces armes de poing, toutes ces femmes ignorantes, ces enfants orphelins, si ces vies qui chavirent, ses yeux mouillés, ce n'était que le plaisir de zigouiller. Et l'angélus, ding qui résonne. Et si en plus, ding, il n'y a personne. Et l'angélus. Quelquefois je parle trop et tu me regardes et mon cœur tombe à l'eau. Quelquefois je ris à contre-temps, tu n'y comprends rien du tout et tu me regardes étonnée tout à coup. Ne te pose pas trop de questions, la réponse est dans mes yeux. Elle est quelque part au milieu de nous deux. Ne m'oblige pas à tout te dire, puisque tu le sais déjà. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour toi. C'est pour toi, toi que j'aime encore. C'est pour toi que je suis là. C'est pour toi, toi que j'ouvre mes bras. C'est pour toi, toi que rouge et blanc se mélangent tout le temps. C'est pour toi aussi que j'aime les enfants. Je ne trouve rien de cette fille que j'étais hier encore. Ta présence en moi réveille l'eau qui dort. Je ne connais pas ce que je suis. Je suis quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus beau et peut-être plus fort. C'est pour toi, toi que j'aime encore. C'est pour toi que je suis là. C'est pour toi, toi que j'ouvre mes bras. C'est pour toi, toi que rouge et blanc se mélangent tout le temps. C'est pour toi aussi que j'aime les enfants.

ce soir m'enchante. Je ne sais pas trop pourquoi j'ai ce sourire. Et plutôt que d'en pleurer, je veux en rire. Il y a comme un parfum qui me transporte et m'emmène loin, très loin des amours mortes. Et c'est peut-être pourquoi dans mon délire, oui, plutôt que d'en pleurer, je veux en rire. Certes, elle est partie bien loin de notre ville, et je sais mes lendemains bien difficiles. Certes, l'on ne connaît bien que ce qu'on quitte, et je sais que les regrets viennent vite. Je ne sais pas trop pourquoi ce soir je chante. Je ne sais pas trop pourquoi ce soir m'enchante. Je ne sais pas trop pourquoi j'ai ce sourire. Et plutôt que d'en pleurer, je veux en rire. En rire, en rire. Sur ma peau, je suis made in rock'n'roll. C'est pas le vent des mauvais qui passe. Que c'est pas le vent des mauvais qui passe. Le vent, il va tomber bien avant moi. Que ma part, tu verras. C'est quelque chose sur mon cœur, je suis made in rock'n'roll. Je suis made in rock and roll. En place, c'est pas l'argent qui me fera tenir en place. L'argent, il s'épuisera bien avant moi. Te barre pas, tu verras. C'est écrit sur ma vie, je suis made in rock and roll. Made in rock and roll. Oui, made in rock and roll. Julien Clerc, ce n'est pas rien.